Bonjour à tous et surtout bienvenue en Belgique, à Charleroi, où nous ne sommes pas venus voir un roi, mais plutôt une reine née Congo. Une reine dont on parle partout parce que ce qu'elle a fait à cette époque, il fallait être une femme exceptionnelle pour le faire. Et celui qui va nous en parler, c'est un écrivain, c'est un chercheur, c'est un professeur d'université. C'est lui qui nous a fait découvrir cette dame que vous voyez, dont la statue se trouve derrière, d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire qu'il a pris des documents historiques, mais en y ajoutant une fiction à sa sauce, mais tout en respectant la réalité historique. Kimpavita, celle dont on parle au Congo, en Angola et au Congo-Brazzaville, celle dont toute l'Afrique parle, celle dont nous sommes fiers, dont beaucoup se reconnaissent, de son héritage, ceux qui veulent libérer l'Afrique, fera l'objet de cette émission. Et Magloire Mpembi Kossi, notre guide. Allez, suivons le guide. Bonjour Magloire. Bonjour Karine. Bon, voilà, on a déjà fait une émission à propos de ce livre. Oui, tout à fait. C'était plusieurs années passées. Oui. Mais là, on ne va pas parler du livre, mais on va parler de Kimpavita. La ville de Charleroi, en Belgique, vient de reconnaître notre reine en lui octroyant cette place dans le parc Couillet avec cette statue de Kimpavita. Qui porte maintenant son nom, le parc s'appelle Kimpavita. Oui, le parc Kimpavita. C'est un honneur, je veux dire, immense pour certains. Ça peut interroger d'autres. Que vous vient-il à l'idée là tout d'un coup, bon, un parc en Belgique. Qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction, comme sentiment? Alors, la première chose à laquelle je pense quand je vois ce parc, déjà, on est très heureux qu'il y ait ce parc qui porte ce nom, qui porte le nom de cette dame, parce que ça va permettre de mieux la faire connaître, ça va permettre à certains de se rendre compte finalement de ce qu'elle aura apporté comme contribution à l'histoire et à l'émancipation des peuples noirs. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un parc qui Kimpavita en Belgique, donc qui va devenir quelque part un lieu de mémoire, alors que chez nous, au Congo, par exemple au Congo-Kinshasa, on ne commémore pas ceux qui ont fait l'histoire. Il n'y a pas de lieu qui nous permettrait, nous, de repenser à Kimpavita, de repenser à ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a apporté et à ce qu'elle a apporté dans l'histoire de notre pays. Ça, c'est la première chose qui m'interpelle. On dit qu'il faut venir en Belgique pour avoir une statue de Kimpavita, il faut venir à Charleroi pour avoir un parc qui porte le nom de Kimpavita. Alors qu'à Kinshasa, il n'y a rien pour vous rappeler cette histoire. Et ça s'inscrit dans une dynamique qui est négative, celle de cette non-connaissance de notre histoire qui fait que très peu de gens connaissent déjà Kimpavita, on ne sait pas de qui il s'agit, et n'est pas enseigné à l'école. Et pour commémorer le tout, il n'y a rien qui matériellement nous permet de repenser à elle et de commémorer et de penser à ce qu'elle a posé comme acte salvateur dans notre histoire. Je signale à ceux qui nous regardent que vers la fin de l'émission, on prendra 10 bonnes minutes pour reparler d'elle en lingala. Ça, c'est pour faciliter ceux qui ont des problèmes de compréhension de français. Mais lorsque vous reprochez aux autorités RDCiennes de ne pas faire honneur à Kimpavita, est-ce que vous ne vous appropriez pas Kimpavita qui appartenait au Royaume Congo? Or, on sait que le Royaume Congo, c'était en Angola, au Congo Brazzaville, même peut-être une partie du Gabon et au Congo Kinshasa. Les reproches que vous faites là, il faut le faire aussi aux autorités angolaises, aux autorités du Congo Brazzaville et à certaines autorités gabonaises. Oui, tu as tout à fait raison. Ce qui est dit pour le Congo Kinshasa vaut pour le Congo Brazzaville, vaut pour l'Angola, vaut pour toute cette zone-là qui se reconnaît de cette filiation du Royaume Congo. Vous savez, la ville de Brazzaville s'appelle Brazzaville. Brazza, Savornien de Brazza, c'est un Italien qui travaillait pour le gouvernement français. C'est quand même, ça pose question quand même qu'une capitale africaine porte le nom d'un colon. Ouais, les deux plus grands boulevards d'Abidjan, c'est le boulevard Giscard d'Estaing et Charles de Gaulle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Et donc, merci aux autorités de Charleroi d'avoir appelé ce parc Parc Kimpavita. Mais je pense que c'est une interpellation. C'est que les avenues Kimpavita, les boulevards Kimpavita, les écoles ou les universités Kimpavita, c'est en Afrique qu'on devrait les avoir. Et on ne devrait pas venir à Charleroi pour avoir un monument ou une statue commémorant Kimpavita. Bon, c'est ça en fait l'interpellation. Je ne suis pas adepte de l'autoflagellation. Je ne vais pas demander aux Portugais de s'autoflageller. Mais je trouve quand même que c'est la Belgique qui le fait. Peut-être à la place du Portugal qui a des choses à se reprocher. Ou des Italiens, parce qu'il y avait beaucoup de Capucins italiens aussi dans le Royaume Congo. Mais en fait, dans ce projet ici, je n'ai pas tous les détails, mais à la base, il y a des citoyens belges d'origine congolaise qui ont monté ce projet. Et cette statue a été conçue et créée à Kinshasa par des étudiants de l'Académie de Beaux-Arts. Un garçon et deux filles. Hein? Donc il y a une participation du Congo. Mm-hmm. Ou en tout cas de la société civile congolaise. On va rechercher les noms et puis on les donnera. Dans cet événement, c'est sûr. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui est... Alors on peut ergoter sur l'intérêt des autorités communales de Charleroi de participer à ça. Mais ce n'est pas tellement la question pour moi. Parce que ils ont... Moi, pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est notre part à nous en tant que... En tant que descendant ou en tant que participant de cette histoire coloniale, de cette histoire d'esclavage qui a impacté nos aïeuls et notre culture, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nous l'approprier et pour faire un travail de réparation, parce que cette histoire-là ne s'est pas arrêtée ou n'est pas finie sans avoir laissé des traces dont on supporte les conséquences encore aujourd'hui. Mais alors, qui était-elle, cette Kimpavita, justement? Parce que beaucoup parlent de Kimpavita, Kimpavita, Mama Congo, Kimpavita. Qui était-elle? Alors, en gros, Kimpavita est une femme de la haute noblesse du Royaume Congo. Et en fait, elle était une initiée. Donc, c'était un esprit supérieur. Elle était très intelligente. Et... elle avait 22 ou 24 ans, elle était très jeune quand elle a été brûlée vive. Et pourquoi est-ce qu'elle a été brûlée vive? Ça, c'était une condamnation instiguée par l'Inquisition. Mmh. L'Inquisition, à travers les prêtres qui étaient sur place au Congo-Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'elle a été brûlée vive? C'est que elle a eu une révélation et elle a fait le constat que les prêtres catholiques qui étaient dans le Royaume Congo avaient un comportement qui était en inadéquation avec les enseignements. Et ça partait d'un fait très simple. Pour Kimpavita, il n'était pas normal que des personnes soient réduites en esclavage, comme c'était le cas à l'époque. Et l'argument qu'elle portait était très simple. Si nous sommes tous enfants de Dieu, il n'y a pas de raison qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient supérieurs aux autres enfants de Dieu et qui se permettent, par ce fait-là, de réduire les autres en esclavage. Et donc ça a été principalement son combat, c'est de dire, les prêtres mentent. Ce qu'ils font ne relève pas de la volonté de Dieu, ne relève pas des Écritures. Et à partir de là, elle a mené un grand combat pour libérer les esclaves. Et ça, ça a fait très mal. Ça a fait très mal parce que le commerce des esclaves était un commerce assez lucratif. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui incite les populations à se départir de ce commerce-là, c'est le portefeuille qui est touché. Et au-delà de ça, à l'époque, c'était une période assez trouble où les dirigeants n'arrivaient pas à s'entendre. On avait même deux rois qui ont refusé d'aller habiter le palais royal à Mbanza-Kongo. Et Kimpavita a eu le courage de dire au roi, vous devez prendre vos responsabilités, venez occuper le trône à Mbanza-Kongo et arrêtez de vous étriper comme vous le faites. Et donc cette conjonction-là, cette démarche contre l'esclavage et cette démarche pour la restauration de l'unité du Royaume Congo a fait d'elle, ipso facto, la grande ennemie de ces prêtres, de ces commerçants d'esclaves qui occupaient le royaume. Et donc, tout a été mis en place pour pouvoir l'éliminer. Et on l'a éliminé en l'accusant d'hérésie. Et c'est la congrégation, la sacrée congrégation de l'Inquisition à l'époque, qui a décidé de la tuer. Et elle a été exécutée le 2 juillet 1706, ou le 4 juillet, selon certains documents. Et elle a été morte, elle est morte brûlée vive. Voilà. Et ça, c'est ce que vous racontez dans ce livre. C'est l'histoire que je raconte dans ce livre qui est paru il y a une dizaine d'années. Kimpavita, la fille de Nekongo, édition Anibwe. Fille de Nekongo qui est paru chez Anibwe à Paris. Et cette histoire, c'est un roman, donc c'est supposé être une fiction, mais c'est une fiction qui est à 98% basée sur des faits historiques. Après, c'est vrai, ça reste un roman, donc il y a une fantaisie littéraire certainement, mais c'est une bonne introduction à l'histoire de Kimpavita parce que ça raconte l'histoire en grande partie. C'est une bonne introduction à l'anthropologie, à la sociologie du Royaume Congo à l'époque. Et en plus, ce qui m'a poussé à écrire le livre, c'est que quand moi j'ai appris l'histoire de Kimpavita et que je commençais à me renseigner là-dessus, j'étais énervé par le fait que cette histoire n'ait jamais été enseignée. Et j'étais éberlué par le fait que beaucoup de mes contemporains ne connaissaient rien de cette histoire. Et je me suis, comme ça, moi, donné pour mission, entre guillemets, de la faire connaître. Et je me suis dit, une des meilleures façons de faire connaître ce type de personnage, ça peut être de passer par la fiction, ça peut être de passer par le théâtre, plutôt qu'un livre, un traité d'histoire qui peut être plus austère. Mais j'ai choisi la voie du roman. Et c'est ce que ça a donné, ce livre. Ça fait une dizaine d'années que c'est paru et des échos que j'en ai eus, beaucoup de gens se sont appropriés l'histoire de Kimpavita en lisant ce roman. Alors, cette histoire douloureuse, mais à la fois glorieuse, montre que dans cette partie du monde, devant les intérêts, la vie humaine ne vaut rien. C'est un peu l'équivalent de ce que nous vivons aujourd'hui avec les coltans. Voilà, ça n'a pas changé. C'est quand il faut faire de l'argent, ben il y en a plein qui ne se posent pas de questions, qui n'ont pas de respect de l'autre. Et c'est toujours assez particulier parce que on va commencer par déshumaniser l'autre. Il faut lui retirer son statut d'être humain. Et à partir de là, tout est permis. Et à partir de là, tout est permis, mais ça peut aussi nous inspirer autrement. Quand on lutte pour la bonne cause, les noms restent longtemps et sur le plan historique. Par contre, lorsqu'on est traître, les noms peuvent rester, mais ça lie pour longtemps. Est-ce que nous sommes appropriés de cette histoire pour réajuster nos luttes? Comment nous devons nous comporter par rapport aux capitalistes et à certaines organisations assez puissantes? À l'époque, c'était l'Église catholique. Mais déjà, en général, on sait que s'il y a une chose qui se répète assez régulièrement, c'est que les hommes, souvent, ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Ça, c'est une chose, malheureusement. Et ensuite, pour pouvoir prendre position et comprendre exactement à qui nous avons affaire, le monde dans lequel on évolue, l'histoire est une dimension très importante. Or, on se rend compte que, malheureusement, dans notre cursus scolaire, au pays par exemple, l'enseignement de l'histoire est galvaudé. On ne perçoit pas à quel point il est très important de connaître l'histoire, de connaître le parcours que nous avons eu, de savoir par où on est passé, pour s'ajuster correctement par rapport aux enjeux de l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui passe. Enfin, c'est quelque chose que l'on ne perçoit pas assez. On n'est pas assez préparé par rapport à ça. Et malheureusement, on se retrouve à revivre les mêmes difficultés, les mêmes sottises, parce qu'on n'a pas assez de racines. On fera peut-être un zoom. Un gros plan, parce que les artistes ici montrent l'enracinement de Kimpavita. Sur son pied, tu vois comment se représenter, c'est attaché au mollet, disons à la terre, et là où il y a les tibias. Et ça écrase les chaînes de l'esclavage. Donc, on ne peut pas construire quelque chose, on ne peut pas construire une nation si au départ, on n'a pas tous conscience du socle historique sur lequel on est assis. J'allais parler de la jambe, pardon. Ouais. Et, oui. Et du cheminement par lequel on est passé. Alors, Kimpa Vita, bon, je ne sais pas pourquoi Kimpa Vita, ça veut dire quoi en fait? Alors ça c'est encore, c'est une discussion, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire, d'où vient le mot exactement. Vita c'est la guerre en Kikongo. Est-ce que c'est un nom initiatique? Est-ce que c'est un nom qui a une signification particulière? La réponse définitive n'est pas encore connue des historiens. Mais ce qu'on sait, c'est que Kimpa Vita, c'était une initiée. D'accord. C'était une initiée, elle était de grande famille Congo. Et toutes les personnes qui l'ont rencontrée, y compris les prêtres qui l'ont jugée, l'ont décrite comme une femme très, très intelligente. Elle était impressionnante. Elle était très impressionnante. Elle avait une profondeur et une sagesse qui marquait les esprits qu'elle a croisés. Souvent, il y a une confusion entre Kimpa Vita et Ndona Béatrice. C'est la même personne. Non, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc Ndona Béatrice, c'est le nom de baptême et tout ça. Et puis Kimpa Vita, c'est son nom initiatique. C'est son nom initiatique, c'est son nom officiel, je veux dire. Voilà, officiel. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, après son massacre, parce qu'on l'a massacré, on l'a brûlé. Qu'est-ce qu'on a fait des restes de son corps? Mais ça non plus, on ne sait pas. Je n'ai pas le détail. En tout cas, à ma connaissance, on ne sait pas très bien. On n'a pas encore réussi, à ma connaissance, à identifier exactement le lieu où elle a été brûlée. On sait à peu près où c'est, mais l'identification exacte, sauf erreur de ma part, je n'ai pas connaissance. Elle a été brûlée. Donc, l'idée, quand on brûle un corps comme ça, c'était d'éviter qu'il y ait une sépulture et qu'il y ait un lieu de mémoire. Et ça, c'est d'autant plus important, ça rejoint ce qu'on disait. À partir du moment, dès le départ, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de lieu de mémoire. Nous devons nous travailler pour avoir ce lieu de mémoire. Ça, c'est l'exigence. Ouais, ça, c'est très important. C'était une femme très intelligente, qui avait beaucoup de profondeur. Est-ce qu'on a réussi à transcrire certaines de ses discussions, je sais pas moi, sa pensée philosophique, certaines choses qu'elle a racontées? Pour avoir une idée du discours de Kimpa Vita, il faut aller recourir aux relations écrites par les prêtres de l'époque, dont le père Lorenzo Daluca, par exemple. Bah, sachant que ces prêtres-là étaient opposés à Kimpa Vita, donc, il y a une lecture qui va être biaisée certainement, parce que quand tu racontes, quand tu reviens et que tu parles du discours de ton ennemi, ça ne sera pas pour l'encenser, en général. Donc, ça va être biaisé, mais si on veut des traces écrites de ce qu'a été l'action de Kimpa Vita, de ce qu'elle a dit ou de ce qu'elle a fait, on a déjà une source importante, ce sont les relations des prêtres qui étaient des capucins à l'époque et qui ont participé à sa condamnation à mort. Alors, dans ce livre, c'est une espèce de... Vous faites une espèce de... d'anthropologie de la société Congo de l'époque. Qu'est-ce qui peut justifier dans cette société, le nombre assez élevé des révolutionnaires? Kimpa Vita, Paul Mpanda Fanana, Simon Kimbangu, tous ces gens-là du Kitawala. Qu'est-ce qui peut... Et avant Kimpa Vita, il y avait déjà une autre dame, Apollonia Mafuta. Donc... Ah, elle n'est pas trop connue, ouais. Apollonia Mafuta. Ouais. Je pense que ce n'est pas particulier à la société Congo. Je pense que quand on fait l'histoire de l'Afrique en général, on trouve assez de ferments révolutionnaires dans plusieurs sociétés, parce que simplement, c'est des gens qui avaient une considération et un certain attachement pour la vie. Ça, c'est une chose. Mais par contre, ce qui peut être très intéressant à dire ici, c'est que l'action de Kimpa Vita partait aussi d'une organisation religieuse. Mmh. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'en Afrique, traditionnelle généralement, le pouvoir religieux et le pouvoir politique étaient confondus. Mmh. Le roi était prêtre. Et donc de ce moment-là, il y a, à mon avis, c'est une thèse à explorer, dans l'imaginaire africain, il n'y a pas d'opposition entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, d'une part. Et on trouve tout à fait normal que le religieux participe à la consolidation ou à l'harmonisation de l'action politique ou du pouvoir politique. Donc, contrairement par exemple à cette vision marxiste selon laquelle la religion serait l'opium du peuple, dans l'histoire africaine, on a plutôt souvent des exemples montrant que la religion peut être moteur d'émancipation et de libération. Et c'est cet aspect-là qu'il faut étudier, et peut-être que c'est un peu cet aspect-là qu'on retrouve également aujourd'hui lorsqu'on voit par exemple au Congo-Kinshasa le CALCC être en avant dans les luttes politiques. Et donc le contre-argument selon lequel vous êtes des religieux, ne vous occupez pas de politique, ce n'est pas opérant dans l'imaginaire africain. Ça, c'est une chose. Après, on peut prendre encore d'autres exemples. Regardez dans le monde noir le nombre de prêtres ou de religieux qui ont franchi le Rubicon, Le cas le plus emblématique, c'est Martin Luther King ou Martin Luther King. Martin Luther King ou au Haïti, le Jean-Bertrand Aristide. Donc, en fait, dans l'imaginaire noir, c'est pas. Même quand tu vois les révoltes des esclaves en Amérique, si je peux citer Nat Turner, il y a toujours cette dimension religieuse. Et donc, en Afrique, le pouvoir politique ne peut pas se départir de cette dimension religieuse. Et les religieux ont le devoir de participer à la mise en place d'un système politique qui soit honnête, juste pour tous les peuples. Alors, ce qui m'a brûlé, c'est la congrégation de l'Inquisition. Oui. Par rapport à l'Église catholique, est-ce que ça a évolué? C'est une Église qui a une double face. Il y a un côté sombre. Il y a un côté lumineux. La religion, c'est en quelque sorte relier l'homme à Dieu, c'est l'amener vers le haut, c'est une mission civilisatrice dans chaque pays. Je ne dis pas aller civiliser les autres, je dis au niveau de chaque pays, mais tuer les gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous, ou tuer pour protéger des intérêts économiques, c'est vraiment un côté sombre de l'Église catholique. Est-ce que ça a changé? Bah, déjà, la première chose qu'on va dire, c'est que l'Église catholique n'est plus aussi puissante qu'elle l'était dans le temps. Donc, déjà, les opportunités pour commettre des actes aussi tristes ont nettement diminué. On pourrait dire Dieu merci. Après, il y a vraiment eu une période de l'Église où les gens ont cru au nom de Dieu interdire ou faire des choses. Et ce... en étant même prêt à tuer. Donc il y a eu le croisade, il y a eu les livres qu'on a mis à l'index, il y a des scientifiques qui ont été vilipendés. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans l'histoire de l'Église. Après, c'est une organisation divine par définition, mais faite avec des humains, et les humains ont leur part d'ombre et leur part de lumière, ont leurs défauts. Il y en a beaucoup qui ont pris leur... Et c'est peut-être là la grosse difficulté, c'est qu'il y a des prêtres et des religieux qui ont pris leurs pensées pour les pensées de Dieu, et fort de cette conviction, ils se sont permis, ils se sont donné le luxe d'arrêter la vie des autres. On a la même chose même dans l'histoire en Europe, la chasse aux sorcières, les sorcières qui ont été, les gens qui ont été étiquetés sorciers, qui ont été brûlés. C'est des choses qu'on rencontre dans l'histoire de l'Église, malheureusement. Alors, on a quand même avancé, on a évolué. Je pense que maintenant, il y a des choses qu'on ne ferait pas. L'Église catholique, officiellement, par exemple, est contre la peine de mort aujourd'hui. Donc, même si elle en avait le pouvoir, je pense qu'aujourd'hui, Kim Pavita ne serait pas brûlée vive. Voilà, ça fait 318 ans, hein, je crois, depuis qu'elle a été brûlée. Et j'ai recherché les noms des étudiants qui ont participé. Oui. Bon, je vais le retrouver là. Je vais retrouver le nom des étudiants. Alors, beaucoup de gens voudraient la connaître un peu en Lingala. Tout sur le monde qui est en Lingala. Tu es en Belgique, en la ville, il y a Charleroi. Et si tu as pu parler de et comme il y a Kombo, il y a Kimpa Vita, et bah, tu statue à Kimpa Vita. Sentiment nini, et zo suscité le yo, tango, au monique, et l'ikamboaboye, et salami, en Belgique. Ndengana yoka eke basali eke kwa Kimpa Vita bati yango awa na na isiko ba bingi park bapisi kombo ya Kimpa Vita na pako makanisimi bale yela inga ya liboso na sepeli paske ndenge basali buwe bato bele ba olinga baye ba Kimpa Vita zanani bato bele ba olinga baye ba lisolo na yeza ginde nini wana yeza iloka liboso iloka mi balinde yeko ko rappelinga yego la kisanga ke e pa na biso moro e sika to uta e sika ki pa vita azali mo na biso azali ya na biso biso mo kuna to zana ba ekole zana komba ki pa vita te to zana ba nzele zana komba ki pa vita te donc na zone tuna pona nini ngai kongole ngai mu kongo et c'est ngé na komati na Charles Roy pour na mon esika bazali ko kundula ma ekipa vita sala yangwani esika makanisemi bali to likanisemi bali esika na oyo kapasi et na omona ke biso toza assez sérieuxté par rapport na histoire na biso par rapport na ba oyo balekeli boso na biso ba bundi pour toza boso. Nous avons le comme étudiant à Kinshasa Académie des Beaux-Arts, Basali Statut Oyo, Ezali Bazar étudiante, hein, Académie des Beaux-Arts, Francine Nsenda Ndaya, Gloria Tabasenge et Mihalina Nyota. Pour na Kimpa Vita à Botamaki en 1684 na Mbanza Congo. Alors, on lobby que il fallait et salamé pas na biso et salamé pas na bisoté et salamé pas ya bapaya mais tant qu'on lobby pas na biso zo talaka Congo Kinshasa. Pourquoi zo ça la reproche on a na Congo Brazza na Angola paix en même temps ndenge to lobaka na lifana ça. Oh na loba pour na Congo Kinshasa, les ali pe pour na Congo Brazza, les ali pour l'Angola, ils allaient pour le Gabon. Et si quand nous sommes au Congo, Bazalagi, normalement, et singela qui, Makambabo, ils allaient bien pour nous rappeler biso, Bomoya Kimpa Vita. Là, il y a en Angola, université Kimpa Vita, ils allaient. Je crois que Bambou Leleki, Mitano, bah invité à pour que nous puissions à la conférence. Mais moi, problème, il y a obtention visée, ça l'a été moins qu'une des allaités. Mais c'est vrai, en fait, c'est un problème en Afrique en général. Tout beau, ça n'a pas mis de sika to outi. Et tout ça a tendance à ce que Koumi Saba paya. Mais sika était tout Koumi Saba ou Yabiso. Si on a Kinshasa, au Tali fleuve, côté Kouna Moussou, tout ça a Brazzaville. Brazza est un combo ya Mopaya. Oh, il y a Zali italien. Brazza combo ya ya congolais, Brazza combo ya te. Bozu combo ya mupaya, bopesi capital na bino. Il faut te mituna. Est-ce que ça ils ont le tomo. Oui, mais logo mo déjà grave au lobby. Na kati ya royaume Congo, mais que comme ba pays, yo moi na Congo. Si on visite ou que nous faisons la conférence sur Kokonabiso Moko dans une partie à ex-royaume Congo, c'est quand même assez étonnant. Pour nous, qu'on a Brazzaville, il faut un visa. Donc voilà. Alors, je suis un peu à Kimpa Vita bien parce que Mekiko a approfondi et puis au commun même beaucoup. Hein. Beaucoup Kimpa Vita, la fille est Congo. Aujourd'hui, histoire à Kimpa Vita, mais combien on se forme un roman. Au Baksika, moi, Mungwana Pilipili, mais sans qu'on déforme, qu'on coacha ma gamba l'okuta. Au Baksika, moi, Mungwana Pilipili, pour ne comme un lengina kotanga. Au commun, beaucoup. Et c'est au commun qu'on y est, totanga comme on est mingi. Mais mingi, tu y es bita zanani en fait. Alors, Kimpa Vita, j'allais moi la moitié. Elle a couffé qui a 22 ans, 24 donc, ans. Donc, elle est quoi. Elle a été lingue. Elle a couffé qui a couffé pour la nini. Il faut que tu aies le quoi na na Royaume Congo. Na politique, mon boulot, j'allais y mink. J'allais qui n'a pas roi mi balé, balin, qu'on a na capitale té et puis bah on sonne na bango ça c'est une chose deuxième chose na katia mobulu wana ba sango ba commerçant ba yaki ba comme ko sala mumbungu ya ba esclave donc makambu ki pavita telemela ya wana alobi bino ba kondi il faut botia mboka na ordre d'une part et de l'autre côté pour nanini il faut ba Congo ba comme ba esclave bisino soza bana nzambe eza normalité bisoto ba somi ba kanga biso ba comme ba esclave d'autant plus que bateau ba osala ba kamwana baza ba sango baza supposé ko sala ba kambo eza na kati ya bible or ko sala commerce et esclavage eza prescription ya nzambe te eza makambo ya nzambe te yango wana makambo atelemela ye or moto azolinga azongisa ordre na mboka et puis azotelemela mombongo na bango ya esclavage akomaki ennemi juré na bango yango wana basalaye nyonso baboma ye basalaki procès ya inquisition bakondane ye à mort batumbi ye liboso ya bato nyonso mpo soki okufi ndenge wana okomi poussière moye bakunda yo eza te ozala na lilita te moye ezala esika bato bakoya baya kosambela to baya kokanisa bomoi na yo e ozala te ezali mpasi elelo oyo bayebi te avec exactitude place en tout cas bayebi à peu près esika parce que combo ezali mais exactement vrai ça que j'ai ici qu'atel wana en tout cas na ondenga na tangi non nous une réponse honnête en même temps même si bon ba cela ndenga normalement biso ba oyo toza lelo il fallait tout s'organiser pour toza na ici ka to ke de commémorer bato baleka liboso bato bandeko na biso babunda mpona bonsomi tokozwa exemple ya Lumumba abomaki Lumumba aza na tombe te aza na lilita te mais eloni tosali mpo biso tozala na esika toyebake non mémoire ya Lumumba ekozala c'est à peu près même mécanisme wana mobomi monguna soki alingi aboma oyo abiso akolinga oyo balobaka na français ko anéantir ye totalement basalaki wana kimpa vita basali wana Lumumba parce que babomi ye batie na cuve acide nzoto na ye emonana te mais après biso r toyebi yango eloni to remettre en place est-ce que tokoo créer esika moko symbolique te tokonsidere comme babengaka wana français lieu ya mémoire mpo na bato wana nabandi bituma na biso monene lelo na afrique ezali kosala ete bomoi ya lelo ese déconnecté te na histoire na biso parce que mpasi na biso yango wana moto ayebi te esika nini auti akoyeba esika azali te akoyeba mpe esika azokende te or biso tozoyeba te touti wapi à partir du moment où tu as eu le temps, tu as eu le temps de faire ça. Alors, Lélo, ce qui te l'oublie, tu as gardé quelque chose, il y a un moment qui me permet, tu as gardé. Tu as gardé que tu as mérité et Bomaka, tu as gardé qu'à l'époque, à Télémela qui est puissant, en fait, tu as gardé. Tu as gardé, il y a le bousso, puis courage. Parce que ça y en a 22 ans, 24 ans, quand quelque chose ne va pas, au télémélion, au lobby, au yamouti. Et au kobangati, au kendeti na souka, il y a mission nord. Au boulingo ça la yamouti, qui peut vite à courage. Tu veux appeler que, erosu courage, ils habitent un bas au groupe sa bon moyen. Mais ceux qui battent bien, ce bas au groupe sa bon moyen, moukili et quoi avancer. Qui le trousseau et tant que tu battes toi, ça c'est une chose, mais tu es baqué quand tu mènes un grand combat, quand tu mènes un combat de vérité, le risque c'est celui-là. Sozo bunda pour na bo solo ya solo, sozo bunda pour na bon somi, et que aucun des tina tina lui en a mais qui peut vite aller moi si moi j'ai un courage en plus il y a mis balé à la guimaïle parce que malobanaï maté à naïe bateau bayoukaï et bateau bayoukaï au bas mais lui son maté à wana et c'est là qui ben n'est miné donc basa bateau monté basa qui n'a pas disposition bien pour n'orbiter les soudanais mais baloba bango qui m'a camabana au loba et c'est qui n'a na motui ya munene ezaki na profondeur ezaki na na bwanya makasi donc il faut ko retenir yangwana déjà un ezaki mwana mwasi donc mwasi to mobali ce que za na ba conviction il faut les défendre ezaki jeune akufa kala na 22 ans il n'avait pas 25 ans c'est pas parce que za mwana muke ko koye ba makamute ko zong sa kolo na nzelate. Dans un premier temps, je vais retenir. Par rapport à l'Église catholique, aux congrégations et inquisitions, pour les Congolais, les peuples sont très croyants. Ils ont la qui sont deux côtés. Côté sombre, et côté lumineux. Côté lumineux, ils ont la qui sont même autour, l'icolo, vers Nzambe. Et côté sombre, ils ont la qui sont même autour. Ceux qui accueillent à l'encontre, il y a Makambo, il y a Benterena na Bango. Alors, le loyo rapport à l'église catholique ou à l'église chrétienne en général, il faut ça entendre. Je vais inviter ceux dans une minute pour répondre à la question. C'est une question très difficile. Je n'ai pas de réponse tranchée. Je n'ai pas de réponse qu'il faut ça la boue. Oui, ça, c'est que na histoire et l'église, ma camébélé ma bé salama. Et tu tiama ina monorote pour nan loban. Tu bon mangote. Ouane ça, solo. Alors, na questionnement na nga, le lone na loba, na ba discussion na, na posture moko pragmatique. Dans ce sens que, nga ipo sana nga, ezali, bande konanga peuple nanga bakende liboso de question na otuna lelo eloko nini na église wana ndenge za lelo e koyi koyede bande konanga ba avancer ce qui ezali na jui na za posture mo pragmatique ce qui ezate je passe mon chemin lelo par exemple to noté pour une église catholique par exemple que c'est très bien structuré et ça quasiment partout sur du Congo par exemple. Donc, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette structure-là pour faire passer des messages? Si oui, il y a un intérêt pour nous. Est-ce qu'il y a une église partout, en Israël, parfois très reculée? Est-ce que tu peux que l'église et participer à un message à bien? C'est quelque chose d'intéressant. Ça, on peut le faire, par exemple. Par exemple, la bibliothèque est là. Et si la bilingue va au Koutana, va Fanda, va Tanga, va s'instruire, est là. Mais ma paroisse c'est ça. Imaginez par exemple que tu es au pour que chaque paroisse soit dans moi bibliothèque. Moni qui va structurer l'église pour servir Bisso pour nous faire passer le message à l'éducation et pas la population Bisso. Après nous avons bande ko baloba mais l'église on a pour Bisso est problématique parce que dans l'histoire ils ont participé bazaki na ba esclave bazaki instrument colonisation. Est-ce qu'on peut encore aller à l'église là dans cette église dans ces conditions? C'est une question très légitime. Après je dis à niveau conviction, à niveau foi, on va laisser les gens prendre leurs décisions de manière personnelle. Par contre, moi je suis sur un niveau, dans un niveau socio-politique, et moi ce qui m'intéresse, et là on y a une chose, pour permettre de faire passer le message. Ceux qui n'a qu'à la messe, sans ou azotea, pour na contre injustice, contre ma viol, contre ma violence, mais moi je suis preneur. Car ce qui est dans la messe, à un côté, qui n'est pas un peuple élu, Nous sommes un peuple assez, ou on a osé. Donc il y a un tri à faire avec, avec une certaine sagesse, avec une certaine intelligence. Et chez Cantadioc, dans le livre de Nation et Agriculture, à l'oba et l'homo, ce tolingi, Afrique et Keneliboso, il faut tout keba na makamba, makamba religion. Parce que quand quelqu'un est engagé dans la foi, c'est tout son être là. Et il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut gâcher la relation et nous empêcher d'avancer. Parce que si on a une autre église, on a sauté ma camoufle. Donc il faut être assez prudent par rapport à ça. Ce qui est vrai, ça c'est factuel. Donc et Salama, et, église catholique, na makamususu, et ça est ma camoufle. En Afrique, en Asie, même en Europe, ma camoufle, c'est bien. L'église catholique reconnaît ça dans une certaine mesure, bah, erreur n'a pas. Même si non pas en Afrique c'est un peu timoré, mais ils ont reconnu des erreurs. Il y a des choses qu'on ne fera plus jamais, ça c'est certain. Maintenant à partir de là, quelle est notre attitude par rapport à ça? Ben, c'est à chacun de se positionner, de réfléchir. À travers l'histoire là, qui me invite à te découvrir le Romusus, bon, tu es bakango mais tu vas un peu larvé. Et ça dit que ma Congo ana ba Congo, il y a l'élo, royaume Congo ou ba royaume sous Afrique, ba piya kaka ba richesse matérielle. Moutouye moko azala ki marchandise en fait. Exact. Azala ki ko tele mele loko wana et début ya likambo ya marchandisation ya ba être humain ezali hiérarchisation justement ba être humain oyo azali ko se penser supérieur azo teka oyo ye azo kanisa inférieur. Et là c'est une femme oyo na ba culture mususu bazala ki ko kanisa mais vraiment à tort inférieur qui donne la leçon aux hommes à tele mele injustice et les lois Azali un peu en quelque sorte la mère ya bato bazali ko lutter pour na bonsomi o ba lutter pour na bonsomi ya peuple africain. Alors nanga na yeba to sala ka confusion ndona bena Béatrice na kimpa vita c'est la même personne ou pas? C'est la même personne yé moro là combo ndona Béatrice za combo à baptême et kimpa vita za combo na ya bokoko il faut yeba que na civilisation ba Congo bana basi bazalina importance munene yango bana basi même na famille to benga wa bandona eza respect to pesa yi. OK mais était-ce la seule femme oyo moi si okaka yemo kwa bunda ou eza na kombo mususu oyo peut-être to ye bakate okoko ko bimisela biso te ye kate muta bunda avaye déjà il y avait Apollonia Mafuta qui a mené le même combat et combat qui me permettent ils ont s'inscrit dans l'ignorance et le monde il n'a pas que ça oui ben même ben esclave na Amérique combat qui me permettent de tambler en Amérique combat qui me permettent de tambler en Amérique et na ba révolte y a ba esclave na États-Unis une révolte monnaie na ben la révolte à Stone on va maintenant attendre combat qui me permettent. Outi Amérique, ngana outi France, toyoko kuta na awa, na Belgique, na se ya statue ya Kimpavita asangisi biso, ndenge mama asangisaka. Alors, toko sengaka na batu, ba landa, ba commenter, ba partager, mais surtout, ba s'inspirer na vinae, et ba zala ding ya kozala mikitano na ye. En tout cas, merci na magloire Mpembinkosi ndenge azalaki guide na biso lelo au travers ya vie bomoyi vie ya maman Kimpa Vita. En tout cas merci de nous avoir suivis. Au revoir et tokomi mbala ya sima.